Et nous sommes de retour sur la web radio Crochet. Il y a des gens qui sont dans le studio qui discutent, mais vraiment de manière détendue. C'est, on peut dire que c'est un petit peu le bordel là tout de suite. Ils font pas trop attention au fait que ce soit en direct. Donc je reprends rapidement la main avant de la laisser au suivant. Vous avez été là en ce moment, vous êtes 32 auditeurs. On a eu un petit pic à 42 auditeurs tout à l'heure. Et prochain, ça tombe bien, ce sera les un peu plus. Le pourquoi du comment. On me dit également de faire une dédicace à Juliette et probablement de nous écouter. Et également, si vous ne savez pas quoi faire à 20h, n'hésitez pas à venir au Diable au Corps pour participer au blind test, parce que c'est pas très drôle de faire un blind test tout seul. Voili, voilou. On commence par une petite chanson. Et voilà. Nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous. Dévouez-nous, dévouez-vous. Vouez-vous à nous. Vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous. Avouez-nous, avouez-vous, nouez-vous à nous, nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, vivons-nous. Nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Nous sommes des fous, nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des, nous sommes des, nous des filous, nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous, dévouez-vous, vouez-vous à nous, vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous, à vous. Nous sommes tous, nous sommes tous, nous vivons-nous. Nous sommes tous, nous sommes tous, nous vivons-nous. Fions-nous à nous, fions-nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Dénouez-nous, nous sommes des fous, vous et nous. Dévouez-nous, dévouez-nous. Nous sommes très doux, vous et nous. Vouez-nous à vous. Et on est de retour sur Web Radio Crochet. Et alors, nous avons avec nous deux personnes qui se nomment, je crois, ils ont dit Pantera et Newton, Newton, c'est et ça Newton, c'est alors, ça. Pourquoi avoir choisi d'abord ces petits pseudos? Vous voulez nous en dire un peu plus ou... C'est pour avoir des nouvelles identités. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et vous avez également, du coup, décidé d'appeler votre petite émission Chanson Brûlée. Alors, la première chose que je voudrais vous demander, c'est... Pourquoi avoir choisi ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Et puis qu'est-ce que vous nous préparez finalement? Alors chanson brûlée, ça veut dire les chansons brûlées, ce qui veut rien dire, mais parfait. C'est voilà. Qui veut dire tout ce que tu veux que ça veuille dire. Voilà. Et chanson brûlée, ça va être juste un programme de chansons et de littérature avec quelques textes de nous et beaucoup de textes des autres qu'on va commenter, qu'on va un petit peu pas analyser, mais qu'on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Mmh. Entendu, et bah du coup je vous laisse la parole et puis dès que vous avez besoin de mettre des morceaux, vous me le dites. Okay. Ouais. Alors nous sommes tous fous, vous et nous. On commence avec une chanson de Brigitte Fontaine et Rizky Belkacem qui est issue de l'album éponyme. Et c'est l'avant-dernier album du groupe qui est sorti en 77 sur le mythique label Savannah de Pierre Barou. C'est un bon album si vous voulez commencer à découvrir l'univers d'Ariski et de Brigitte Fontaine. Et c'est Chanson brûlée sur Radio Crochet. C'est Newton qui vous parle. Avec Pantera, chanson brûlée, chanson de joie. Chanson, chant et son, chanson d'amour, chanson de révolte, chanson de mort, chanson d'espoir et de remords. Chanson brûlée, ça repoussera, en bas, dans la poussière, après le noir viendra le vert. Chanson de climat, chanson de climax au cinéma. Des chansons pour les gestes qu'on digère, des chansons lourdes et légères. Chanson pour rien, chanson pour hier et pour demain. Chanson greffe, chanson de rein, chanson qu'on pisse et qu'on vomit. Chanson pour Camille et pour Rémi, chanson populaire du peuple en colère ou du peuple qui danse, chanson pour la transe et chanson du dimanche, des chants qui choient, chansons qui émeuvent et qui déçoivent pour les voireaux qui les voient. Rap, chansons anciennes qui défroquent et dérapent, chansons d'amis, chansons moitié, chansons des mois et d'amitié, chansons amères, chansons austères, chansons des montagnes et des bords de mer, chansons magnifiques, tragiques, comiques et pathétiques. Mille chansons pour de bon, pour rire et se marrer, chansons momies, chansons déterrées, pas de chansons muséifiées, des chansons palais, et palais de Nibelles, chansons pour la terre et chansons pour le ciel, qui a terre et étincelle, mille chansons pour vous, Newton et Pantera vous dictent leur choix. Chansons brûlées, chansons ailées, chansons souffre des Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, l'insurrection a grondé, on a brûlé, on a dansé, et puis maintenant c'est à nous d'écrire de nouveaux couplets. Voilà, et on enchaîne tout de suite avec Ein kleines Lied von Eva, donc une petite chanson d'Eva, dite en allemand parce que c'est sa langue maternelle. Ni Lorelai ni Ophélie. Pourquoi ni Lorelai ni Ophélie ? Eh oui, effectivement, c'est la question qui nous saute à la conscience quand on entend cette chanson. Eh bien, du coup, Lorelai, c'est ce rocher au bord du Rhin, donc un passage où le passage devient très étroit, où il y a des courants très violents, et où du coup, beaucoup de marins se sont naufragés. Et donc, Lorelai, c'est la personnification un peu sirène qui attire les marins vers leur fin cruelle. Et donc voilà, un peu l'image de la femme fatale. Et puis Ophélie, c'est cette Ophélie d'Hamlet, de Molière, ou l'autre, là. Ouais, voilà, voilà. Shakespeare. Et qui se suicide quand... Par désespoir d'amour. Et oui, voilà. Donc c'est plutôt l'opposé de Lorelai. Ni une femme fatale, ni une femme qui va mourir par amour. Voilà, ni tueuse, ni tuée. Voilà.

qui a bien circulé pendant mai 68. Et le thème de la chanson, je ne savais pas que c'était ça, c'est la grève générale de l'hiver 60-61, qui était une grève insurrectionnelle en Belgique, en Wallonie, plus précisément. Yeah. Et alors, il faut savoir que Newton nous a concocté une petite balade parmi cinq îles que l'on va pouvoir emprunter au fur et à mesure que nous écoutions les chansons. Donc ça commence tout de suite avec Mère Île. Une première île transformée, translucide, une île méduse, verte, mauve et bleutée, dans un monde glacé. Les vagues incessantes, stridentes, aiguisées, perçantes, hurlantes, déchaînées sur des falaises d'opale, des cavités subaquatiques. À l'intérieur des conquêtes, des visages oubliés, des silhouettes fines, brumeuses mais dessinées. Quatre gouttes cardinales se mêlent au trésor, dessinent flamboyantes, en secret, des lanternes rougeoyantes, des flamèches acérées. Au nord, des robes violettes à paillettes, ternes dessinent mille stries dans le ciel. Au sud, des crânes en or, des feux de joie faméliques dans un ciel ocre. À l'est, c'est le vent qui nous berce. On ne se réveille jamais pareil. À l'ouest, c'est la grande ville où tu abordes. Au hasard des rencontres, si à un point précis on se voit, aux quatre vents on se connaît, on s'appelle, on se devine. Da-li-da-da-da, on se devine. Consigne les bruissements signalétiques dans des carnets jaunis qui prennent désormais la forme de radar. On dessine dans les astres la profondeur désarmée de la nuit. On écrit la solitude. Ok, à bientôt. Définit le manque. Puis tout se déchaîne. Tout se rencontre dans les tempêtes, tout se mêle. H2O, peur, énergie, mouvement, crise, souffrance et maison. Tout explose, tout jaillit pour une île des raisons. Alors on va écouter une prochaine chanson de François Béranger. Et avant de l'écouter, juste se désolidariser dans les derniers couplets. Il y a quand même un passage qui, dans le bus, un peu limite, où il pose ses deux seins sur... Enfin, ses deux mains sur les seins d'une jeune fille sans lui demander. Donc ça, c'est quand même pas... Mais sinon, c'est une belle chanson sur le travail. Merci quand même pour la chanson. Oui, merci quand même pour la chanson. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en course sur scène dans l'entreprise modèle, je participais à l'expansion. À 6 heures du matin, levé comme un aveugle, se laver, ravaler son café, s'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Cavaler pour pointer, cavaler au vestiaire, enlever sa casquette devant le chef, faire tourner la machine, baigner toute la journée dans l'huile polluée, quelle santé. Surtout ne pas parler, mais ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, vers le même enthousiasmant voyage. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Instrumental. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Heureusement un jour, sur pont de Sèvres-Montreuil, dans le bain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tes deux seins. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé,

La Grande Zoa de Régine, c'est une chanson qui est sortie en 1969. Il y a trois choses qui peuvent faire respecter cette chanson. La première, c'est qu'elle est drôle et entraînante. La deuxième, c'est qu'elle dit « elle » pendant toute la chanson, alors qu'il y a l'ambiguïté quand même entre savoir si c'est un homme ou une femme, et elle respecte quand même le pronom personnel « elle ». Ça montre quand même un certain respect. D'accord, pour oui. Oui. Et la troisième, c'est le dernier couplet « on n'a jamais su qui était Zoa ». Donc ça met bien en évidence le trouble du genre et de l'identité. Oui, chanson queer. C'est une chanson queer. Donc Régine, c'était la reine de la nuit de Paris, où elle tenait un cabaret. Et chez Régine, c'est la première à passer des disques en live. C'est l'inventrice du terme discothèque. Tu le savais, ça ? Ben non. C'est Gainsbourg qui demandait, alors comment ça s'appelle, ça ? Elle a dit, on appelle ça discothèque. Et elle a révélé Serge Gainsbourg, qui écrira pour elle Les Petits Papiers. Et elle a eu un itinéraire qui fait rêver. Elle passe d'un milieu populaire à la jet-set parisienne. Mais ça reste quand même une chanteuse populaire, elle a fait elle. C'est ce qu'a reconnu en elle Gainsbourg, la gouaille parisienne. Alors on va écouter la deuxième île, qui est lue par mes soins. Donc c'est l'île Neige. Une île attendue, une étendue d'argent. Tapis circulaire, dormant, paisible, en silence, sans mouvement, tranquillement, dans ton unicité. L'annonce messianique de ton arrivée. On scrute là-haut, l'orange, le violet, l'indigo, les nuages roses vifs, ciel gris éthéré, bleu pétrole, prêt à exploser. Puis les flots qu'on aperçoit, qui convoient la matière, qui percent les regards. Petite île amassée, annoncée, qu'on touche, qu'on mélange et qu'on mêle au secret. Tu les remplaces parce qu'on peut te toucher, te sentir, t'expliquer, mais tout de même. La part de mystère figée. Des monomes qu'on dessine, la matière enchantée, les ultimes caresses, jusqu'à ce que tu partes, que tu disparaisses dans des sentiers boueux, oubliés. Tiens, j'ai vu passer quelque chose dans le ciel. Tu reviens. Alors la deuxième chanson, enfin pas la deuxième chanson, la prochaine chanson qu'on écoute, c'est une chanson qui est dédicacée aux Gilets jaunes. Monique Morelli, la chanson de Mandrin. En 1750, les pauvres gens de France étaient très exploités par les riches, vous m'entendez ? Étaient très exploités par les riches fermiers. Les mandrins et leurs mères étaient dans la misère et devaient braconner afin de mieux, vous m'entendez ? Et devaient braconner afin de mieux manger. En Dauphiné le sel enrichit la gabelle, la sueur des paysans engraisse 10 000, vous m'entendez ? La sueur des paysans engraisse 10 000 gapions. Mandrin et capitaine en montagne et en plaine, il s'en va marquant dents faisant la guerre, vous m'entendez ? Il s'en va marquant dents dans sa guerre au gapion. Passant fleuve et montagne, Mandrin fit 5 campagnes, par des chemins perdus qu'il n'avait jamais, vous m'entendez ? Par des chemins perdus qu'il n'avait jamais vus. À Guenan plein de rage, il a fait un carnage, des chasseurs de fichères en déplorant, vous m'entendez ? Tous les morts de Fischer et sa victoire amère. Bien qu'il fût pris au corps, on le craignait encore, et ses bourreaux tremblaient quand il les re, vous m'entendez ? Et ses bourreaux tremblaient quand il les regardait. Sur les routes de France, de Grenoble à Valence, les pauvres gens pleuraient en le voyant, vous m'entendez ? Les pauvres gens pleuraient en le voyant passer. Et c'est ainsi qu'on entre vivant dans la légende, pour être brigandier sans avoir rien, vous m'entendez ? Pour être brigandier sans avoir rien volé. Regardez-le partir, compagnon d'avenir, ce brave Louis Mandrin qui ne voulait, vous m'entendez ?

Alors la zone de Fréal, Fréal c'est la grande chanteuse réaliste d'avant-garde et c'est une des premières à avoir enregistré sa voix. C'est une grande carrière, puis des déboires personnels, l'alcoolisme, etc. Et la zone dont elle parle dans la chanson, c'était un faubourg qui s'est créé au début du XXe siècle au sud de Paris, sur des terrains vagues, après les grands changements haussmanniens et l'afflux de la population suite à l'exode rural. Donc la zone, elle a compté jusqu'à 30 000 personnes qui effrayaient les bourgeois parisiens. Et à partir de 1919, il y a eu des plans d'aménagement urbain pour intégrer la zone à Paris et construire en dur, enfin construire des logements, parce que c'était des petites cabanes, comme elle raconte dans la chanson, qui étaient construites. Mais il y a eu une ligue des zoniers pour s'opposer aux expulsions, ce qui n'a pas empêché quand même la poursuite des constructions, et on pourra y revenir. Finalement, ça a été rattaché administrativement à la ville de Paris et à la banlieue, et le boulevard périphérique sera construit sur les anciens terrains de la zone. Alors, pour continuer, une autre chanson un peu vieille, un peu plus vieille encore, de 1886, du grand chansonnier Aristide Bruand. Alors, dans cette chanson-là, ce qui s'appelle à Saint-Lazare, quelques éclaircissements. Saint-Lazare, c'était une prison, puis une léproserie, au 19e siècle et au 20e siècle. Et au 20e siècle, il y a un hôpital qui est créé, un hôpital-prison qui est créé en 1802 pour les prostituées arrêtées par la Brigade des Mœurs. Donc, c'est une prison pour punir les prostituées qui refusaient de travailler dans les maisons closes, qui étaient reconnues et taxées par l'État. Et en 1857, on comptait par exemple 1300 détenus dans cette prison-là. On retenait pendant 45 jours les filles publiques inscrites pour leur faire des examens et 3 mois pour les insoumises. Les insoumises, c'était celles qui travaillaient pas dans le cadre légal, c'est-à-dire pas dans des maisons closes. Donc c'est un dispositif qui mêle à la fois prison et médecine. Et il y avait aussi dans ces prisons-là toute une section pour les jeunes filles mineures qu'on considérait comme dépravées, qu'on voulait éloigner de leurs parents et qui étaient parfois internées dans cette grande structure-là, à Saint-Lazare, 18 ans. 7 filles qui sont passées dans cette institution-là, dans Saint-Lazare. Donc on écoute Saint-Lazare chanté par Patachou. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un linvé à Saint-Lazare. Vrai te savoir comme ça sent le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigares. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare, va t'en trouver la grande nana, dis que je la prie. Casqué pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. Surtout n'y fais pas de boniment pendant que je marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup, bois pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu fous la beigne. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant, adieu mon homme. Bien que tu sois pas très caressant, je t'adore comme j'adorais le bon Dieu, comme papa quand j'étais petite et que j'allais communier à Sainte Marguerite. Alors dans cette chanson-là, elle a écrit à Polyte, enfin c'est une prostituée qui écrit à Polyte, son proxénète. Elle lui écrit pour lui donner des nouvelles. Il y a quelques zones d'ombre dans la chanson, par exemple quand elle dit « Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite »,

qui sont drôles, joyeuses, énervées, tout ça, qui sont super. Et aussi, à dire pour elle, la preuve que les plus belles fleurs poussent parfois sur le pire fumier, c'était la fille d'un collabo. C'est toi qui m'apprenais ça tout à l'heure. Je voulais dire que j'ai un faible pour sa chanson qui s'appelle « Les gens qui doutent ». Ah oui, très jolie. Et Clémence en vacances aussi, qui est une très belle chanson. Oui, mais c'est sûr qu'on va la recroiser, Anne Sylvestre, dans cette émission. C'est sûr. Oui. Ensuite, on passe à la très belle chanson aussi qu'a lycée de Chico Buarque. Dédicace au Brésil. Oui, dédicace au Brésil. Ben, c'était, cette chanson elle date de 73, donc c'était à une époque qui, ben, comme celle qui commence maintenant, était très très dure, qui était une dictature. Et il l'a écrite avec Gilberto Gil un peu après son exil, Chico Buarque. Mais là, on écoute une version qui est avec Milton Nascimento. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Gorda porca já não anda, de muito usada. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito, resta cuca. Dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice. Cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Pai, quero cálice. Perder de vez tua cabeça, cálice. Minha cabeça perder teu juízo. Cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça. Cálice. Voilà, donc les choses à souligner dans cette chanson, dans les paroles, c'est notamment qu'ils disent Pai, afasta de mim esse cálice. Père, éloigne de moi ce calice. Mais le but, c'était d'utiliser le mot calice. Tais-toi, quoi. Voilà, du coup, voilà, ça s'adressait au pouvoir militaire. Et il parle aussi, éloigne de moi ce calice de vigno tinto di sangue, de vin rouge teinté de sang, parce que du coup, c'était surtout contre aussi l'Église. qui était. Il y a aussi une référence à un moment au pétrole, ou je sais pas, je crois que c'est lié à un leader travailliste, je me rappelle bien, okay. Qui avait été torturé à base d'ingestion de pétrole ou quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Ah oui, et aussi par rapport à Chico Buarque, un son, que. Attention, mise en abîme. Que, entre 63 et 68, je crois. Oui, bon, c'est ça, on va dire entre 63 et 68, au Brésil. Avant, du coup, ouais, un peu avant cette. Entre 64 et 68, un peu avant cette chanson, en fait, il y a eu toute une période où la contestation passait par la musique à la télé, par des festivals de musique à la télé, où c'est le jury. Des jurys et le public qui choisissaient les chansons qu'ils préféraient. Donc voilà, on peut dire qu'à cette époque, c'était les radios crochets qui étaient à la pointe de la contestation. Voilà pour la mise en abîme. Et après, on passe à une chanson punk, c'est ça, un peu simple. Ouais. Un peu. Mais qui fait plaisir, c'est ça, le punk, c'est pas compliqué à faire et ça s'adresse à tout le monde, des trucs bien énervés. Obéir la 6ème République. Voilà. Obéir nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Obéir provoque la disparition de la liberté. Obéir peut entraîner une mort lente et douloureuse. Déléguer son pouvoir augmente les inégalités sociales. Le pouvoir crée une forte dépendance, ne commencez pas. Le pouvoir peut nuire à la population et exploiter sa crédulité. Les followers meurent prématurément. Protégez les enfants, ne leur faites pas écouter la propagande médiocratique. Les publicitaires et votre banquier ne sont pas prêts à vous aider à arrêter de consommer. L'argent est le nerf de la guerre et provoque des crises économiques et des attaques. Arrêtez le capitalisme, réduit le réchauffement climatique et les risques d'exploitation. Le culte de l'argent réduit la population à l'esclavage. Faites-vous aider pour arrêter le pouvoir, téléphonez. 08 84 28 46 37. Je répète, 08 84 28 46 37. Je répète, 08 84 Voilà, la 6ème République, donc leur album, dernière mise à jour, et en téléchargement libre sur Internet, pour ceux-là que ça intéresse. À toi, Newton, pour une 4ème île. Ouais. Alors la 4ème île, c'est l'île désert. Vie de nomade, l'or a établi un temps, dit-on, là où tu es dans cette île insolente où les gens font ce que je voudrais faire. J'aimerais sortir de toi, m'en aller lentement, que tu ne me vois plus, pas, j'aimerais sortir de moi, ou y aller plus profondément, là où on ne me voit pas, plus. J'aimerais repeupler de nos mots cette terre maudite, innervée de symboles, de traces, de signes, cette toile blanche pour lui donner de la vie, de l'ardeur. J'aimerais sortir du malheur, des heures d'attente au quai des brumes, saturer le monde de nos couleurs. J'aimerais sortir des doutes méchants, des rêves en rond, souder au sol nos envies folles, nos déraisons. J'aimerais entendre de nouvelles chansons et fuir le vent nauséabond. J'aimerais sortir de toi, et même si j'aime te traverser, je t'oublierai. Pour 5 ou 6 jours plus tard, avoir une envie folle de te retrouver. J'apporterai l'eau, je creuserai des tunnels, je serai cette graine volante tant aimée, là où tu es. Il n'y a rien, dit-on, autant l'habiter alors le vide. Et pour la suite, c'est David Gilmour. Oui, je crois entendre encore. Mmh. je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et son chant de voilà. Ah, merci. Merci tout le monde. Il y a une foule en délire dans les studios. Alors, voilà, cette chanson chantée et jouée. Qu'est-ce que t'en penses, Angèle, de cette chanson-là? Elle est belle, non? Je suis arrivée à la fin, mais c'était beau. Pour sa participation au groupe Les Pink Floyd. C'est connu, ça, les Pink Floyd. Oui, oui, oui. Un petit groupe émergent, je crois. Ils étaient number one. Dans les années. Alors oui, non, par contre, c'est une chanson de Bizet, de 1863, donc il y a bien plus longtemps, et d'un opéra qui s'appelle Les Pêcheurs de Perles, mais qui vaut beaucoup moins le coup apparemment que Carmen, du même Bizet, voilà. Le livret a été écrit n'importe comment, apparemment il se classe parmi les plus effroyablement ineptes du genre. Voilà, l'auteur a même failli brûler le livret avant la représentation, et c'est ce qui aurait donné apparemment, il y a un embrasement final dans le dernier acte. Ça viendrait de là. Voilà pour les pêcheurs de perles de Bizet. Et on va doucement arriver à la dernière chanson qui s'appelle « Chanson pour Rémi ». Alors je ne dis pas qui c'est Rémi, mais vous allez, je pense, réussir à deviner qui est Rémi. Et on pense à lui. Si. Une nuit pleine d'effroi à laquelle je repense parfois. En plein pays de Jaurès, on a tué Rémi Fraisse. Tout juste 21 printemps, un vrai petit bout de gars, manifestant pour les abattes pas. Ça me dépasse. Ça ne passe pas, ça me dépasse, ça ne passe pas. Alors je revois ces gendarmes sûrement pour la plupart papa, tirant dans le tacard la jeunesse. Derrière ses néos, ses haltères, armés de mantes de terre, se cachent des djihadistes verts. Ça me dépasse, ça ne passe pas. Ça me dépasse, ça ne passe pas. Verdict est tombé, le gendarme soupçonné n'est pas coupable et il y a mieux, bien mieux. Ça a fini en non-lieu, par ce déni, cette bassesse. Le dénommé Rémi Fraisse est mort une deuxième fois. Est mort une deuxième fois. Alors Wally, qu'on a écouté, enfin, désolé, hein, c'est vrai que c'est pas très joyeux là quand même, tout ce qui est la programmation. On arrive sur une fin de trucs nostalgiques, quand même un peu trop nostalgique. On se rattrapera la prochaine fois. D'ailleurs, la prochaine fois, c'est peut-être le moment de le dire qu'on on continuera. Là, une fois par mois, on s'est dit. Une fois par mois, probablement un thème autour de laquelle tournera la programmation. Voilà. On a pensé à genre, migration, prison, folie, prison. Encore une fois, des thèmes plutôt joyeux, en fait. Non, mais il y aura des, par exemple. Il y a des choses qui peuvent être sympas. Si tu écoutes le genre, tu peux écouter Mylène Farmer sans contrefaçon. Voilà, c'est joyeux comme. La prison, c'est moins joyeux, mais il peut y avoir des choses joyeuses aussi. Sur l'évasion. L'évasion, voilà, des trucs. Il peut y avoir des choses plusieurs assez sympathiques. Eh oui, du coup, la chanson pour Rémi, bah, c'est Rémi Fraisse, qualifiée par Pantera de rigolote, mais pas plus que ça. Rigolote, mais pas plus que ça. C'est des chansons courtes qui racontent des anecdotes. Et le projet d'Early, là, c'est son dernier projet. La chanson, elle date de 2018, donc c'est tout récent. C'est un petit pas de côté avec des chansons pas drôles et beaucoup plus longues, dont celle sur Rémi Fraisse. Et il a dit que c'était une petite parenthèse, qu'il allait revenir vite à ces petites chansons rigolotes. Qui sont peut-être très rigolotes. Voilà. J'avais dit un truc dans le genre, mais après, on va écouter qu'une seule vidéo. Pas, très, pas si rigolote que ça. Peut-être elles sont très rigolotes. Et ben, merci pour tout, en tous les cas, les gars. Alors, quelque chose d'autre, une dernière petite île. Ah oui, pour la route. Une dernière petite île, la cinquième. In extremis. C'est donc la forêt île. Oui. Île jaunie, lumineuse, légère. Île heureuse et féconde, où les bourgeons chantent, où l'essence de mille êtres nous flatte de leur présence noueuse, feuillue, moussue, branchue, centenaire. Île où l'on s'enterre, où l'on se cache. Petits êtres au sol, je vous cherche et vous mange en automne. En hiver, les arbres nus grelottent. Je me glisse légèrement dans ces grandes étendues sans fin. J'erre volontiers en été comme hiver, me perds, joyeux et confus, quand branches, tiges et rameaux courent au plus haut. Ours, loup, où êtes-vous? D'autres petites entités se taisent quand des grands vacarmes s'alarment et que l'eau ruisselle. Une gouttelette vient échouer sur ma tête. Quitte à se perdre, autant aller aux racines du problème et se perdre en dessous. Être en dessous de tout, pour mieux voir et mieux sentir. Ce petit monde là-haut qui se décompose et qui les nourrit. Je vais en dessous. Ce peuple sourd qui se parle et qui glisse dans les interstices de petits messages me rassure. Je ne serai jamais seul, même si tous les lutins que l'on appréciait tant, s'en sont allés avec le temps. Humus pour laisser pousser nos désirs, sève pour les nourrir. Je suis perdu et revigoré par la mégarde forestière, je plonge et remonte sous terre. Les vers font des galeries où l'on expose la vie. Ovale, acuminée, ondulée, épineuse, sinuée, crénelée, denticulée. J'écris sur vous les feuilles et mes mots comme les graines s'envolent vers d'autres îles, haut dans le ciel. Alors, c'est la fin de Chanson brûlée. C'était Newton. Et Pantera. Merci et beaucoup. On va passer à la suite avec le goûter DJ qui va se mettre en place petit à petit.